بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 73 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. On continue donc avec l'explication de ce qu'on a commencé à expliquer au dernier cours. On expliquait un verset qui est extrêmement important, qui est le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 31, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des juifs et des chrétiens, « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Donc on continue à expliquer ce passage. On a déjà commencé à mentionner l'explication de ce que cela implique. Et on a expliqué que le fait de chercher par exemple à suivre des gens dans la religion qui rendent halal ce qui est haram ou qui rendent haram ce qui est halal, que ça fait partie de les prendre comme seigneur en dehors d'Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a expliqué à propos de ce verset, c'est que lorsque des gens se permettent de rendre halal ce qui est haram, et alors que toi tu sais que ils sont en train de rendre halal ce qui est haram, et que tu leur obéis dans ça malgré tout, alors dans ce cas-là, ça signifie que yani, tu les as pris comme, un seigneur, comme des seigneurs en dehors d'Allah. Ou bien des gens qui rendent halal, haram ce qui est halal, et tu les suis dans ce qu'ils ont déclaré de ça, alors que tu sais que ce qu'ils disent est contraire à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Alors tu les as pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. C'est ce que les juifs et les chrétiens avaient fait dans leur religion, puisque les prêtres, les moines, les rabbins, les papes ont déclaré des choses comme étant halal, alors qu'elles étaient haram, ou ils ont déclaré des choses comme étant haram alors qu'elles étaient halal, et les gens les ont suivis aveuglément dans ces choses-là, avec connaissance. Alors ça représente une forme de shirk, parce qu'on a expliqué que le fait de légiférer ou de rendre halal ou haram, ça fait partie des droits exclusifs d'Allah. Personne n'a le droit de rendre quelque chose légal ou illégal, excepté Allah. Et donc ça c'est important. Et ça réfute aussi en même temps, on a expliqué ça au dernier cours, ça réfute aussi également les laïcs et les démocrates qui veulent par exemple se permettre de faire des lois qui contredisent ce que Allah a révélé dans la révélation et ce que le messager a transmis de cette révélation et ce qu'il a clarifié de la révélation aussi. Donc tout ça c'est des réfutations donc de ces gens qui appellent à la laïcité ou qui appellent à la démocratie. Et certains parmi les musulmans qui prétendent que les deux choses peuvent être compatible. Donc ça c'est un grand mensonge, puisque le fait de permettre à des gens de dire par exemple parce qu'ils sont députés ou parce qu'ils sont ministres qu'ils ont le droit de voter des lois, de rendre des choses licites ou de rendre d'autres illicites, ça c'est interdit. Même s'ils le font pas au nom de la religion, c'est interdit. Et si c'est des gens qui le font au nom de la religion, eh bien c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, comme par exemple si ce sont des imams, ou ce sont des chouyours, ou ce sont des gens qui se donnent des droits ou des autorités de donner des fatwas, et qui vont se permettre de rendre licite ce qui est illicite, ou d'inventer des innovations dans la religion et des façons d'adorer Allah qui n'ont pas été légiférées, et donc ils vont faire des bid'ah. Donc ça aussi, ça rentre là-dedans. Ça rentre dans ça aussi. On va donc continuer l'explication du Cheikh Al-Fawzan par rapport à ce verset. Et le Cheikh ici, il dit ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في تفسيرها الذي لا إشكال فيه أن طاعة العلماء والعباد في معصية الله يخالف التوحيد ويخالف لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أن لا يحرم ولا يحلل إلا الله سبحانه وتعالى، وأما رسله فهم مبلغون عن الله، فهم مبلغون عن الله عز وجل، والذي يكل إلى الناس التحليل والتحريم ويعطيهم في ذلك من غير معرفة الدليل والمستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا ثم أسلم، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. ولما سمع هذه الآية وهي تتحدث عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فهم أن العبادة يعني الركوع والسجود لهم، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست قاصرة، على الركوع والسجود والذبح والنذر لهم، بل تشمل طاعتهم في معصية الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، ولو لم تركع لهم وتسجد لهم وتذبح لهم وتنظر لهم، فطاعة المخلوقين في معصية الخالق في التحليل والتحريم من غير دليل هو عبادة لهم. ولكن إن كان هذا الذي اتبعهم متعمدا وعالما فعلهم هذا هو الشرك. نعم. ولكن إن كان هذا الذي اتبعهم متعمدا وعالما يعني فعلهم هذا فهو مشرك، الشرك الأكبر، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن كان غير عالم بذلك فهذا هو الشرك الأصغر، يكون معذورا لأنه جاهل بهذا الأمر، ولكن يجب عليه أن يتعلم ولا يبقى على جهله. Donc ici ça c'est la suite de l'explication et on va voir, c'est extrêmement important, qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, a clarifié. Et donc ici, il dit que le Cheikh, c'est-à-dire le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Rahimahullah, il a dit, donc, ça c'est tiré de son livre Ad-Durar al-Saniyah, fil Ajwibat al-Najdiyah, il a dit, Rahimahullah, et dans son interprétation, c'est-à-dire l'interprétation de ce verset, le verset 31 dans Sourate At-Tawbah, il n'y a aucun problème à comprendre. Ce que ce verset signifie, du fait que l'obéissance aux savants et l'obéissance aux adorateurs, aux hommes pieux, dans ce qui consiste ou dans ce qui signifie une désobéissance à Allah, eh bien ça c'est une contradiction du tawhid. Donc d'obéir aux savants dans ce qui contredit la révélation, ce qui contredit la religion, et que ça correspond donc à une désobéissance à Allah, alors cette obéissance-là, elle contredit le tawhid. Elle contredit la ilaha illallah. parce que la signification du tawhid hein, et la signification de la ilaha illallah, eh bien, ça implique que tu ne dois ni rendre illicite, ni rendre licite, hein, excepté hein, ce qui est en accord avec la révélation d'Allah. Donc, personne n'a le droit de rendre haram quelque chose ou de rendre halal quelque chose, excepté Allah. En ce qui concerne les messagers, donc quelqu'un pourrait dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi on obéit aux messagers? Les messagers, dans ce cas-là, ça veut dire que les messagers aussi, ils ne peuvent pas rendre haram ou halal. Et le cheikh, il explique ça. Il dit non, les messagers, c'est différent puisque les messagers sont les transmetteurs de la révélation d'Allah. Donc, quand ils font un jugement, ils ne jugent pas de par eux-mêmes, hein, selon leurs propres opinions ou selon leurs propres désirs. Ils jugent uniquement et ils transmettent uniquement ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a ordonné de transmettre et leur a ordonné hein, de juger. Donc, celui qui donne aux gens le droit de rendre licite ou de rendre illicite des choses dans la dunya ou dans la religion et qui leur donne hein, ce droit-là et qui leur obéit dans ça, dans le fait de rendre licite ou dans le fait de rendre illicite, légal ou illégal, permis ou interdit, sans connaître la preuve, sans savoir à quoi cela se réfère dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il les avait pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et c'est pour cette raison qu'il a été rapporté selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Et Adi ibn Hatim, c'était avant l'islam, il était chrétien. Puis il s'est converti à l'islam. Il a donné l'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu un bon musulman. Et il a entendu ce verset qui parle des juifs et des chrétiens. Et qui dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah. Alors Adi ibn Hatim est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, nous ne les adorions pas, hein, on ne leur donnait pas d'adoration. Et il avait compris, lui, par rapport à l'adoration, qu'il s'agissait ici de la prosternation ou le fait de s'incliner devant eux, et ainsi de suite. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a fait comprendre que l'adoration, ce n'était pas limité uniquement à s'incliner ou à se prosterner devant quelqu'un, ou à lui faire des sacrifices, ou à lui faire faire des vœux pieux en son nom, ou des choses comme ça. Hein? Mais ça comprend également l'obéissance à quelqu'un dans ce qui représente une désobéissance à Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que les moines et les rabbins, ils rendaient halal ce que Allah a rendu haram, alors les gens le rendaient halal. Et ils rendaient haram ce que Allah a déclaré halal, et ils le rendaient donc haram à cause d'eux. Alors Adi ibn Hatim a répondu en disant, oui c'est vrai. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était cela votre adoration pour eux. C'était cela votre adoration pour eux. Tilka ibadatuhum. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi dans son Sunan. Il est également rapporté par At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir. Et Sheikh Al-Albani l'a authentifié, hein, et la narration qu'il a authentifié, c'est celle de At-Tirmidhi. Et j'ai lu des choses, une narration semblable également dans la Musnad de l'imam Ahmad, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça pour dire que la question ici, hein, elle est claire par rapport à la signification de ce verset-là. Et il faut donc bien comprendre la signification de ce verset, parce que à notre époque, on retrouve beaucoup de cette catégorie yani de shirk que les gens font, malheureusement. Et donc, beaucoup de gens ignorent cela. Et tu vois surtout aussi parmi les musulmans qui vivent en Occident, et qui, par exemple, sont justement parce qu'ils vivent dans ces pays-là, sont parfois obligés de faire affaire avec les koufars dans leur système et dans leurs lois. Et parfois, les koufars même essaient de les intimider justement par rapport à ces choses-là. Et ils essaient de leur imposer d'être des musulmans qui acceptent leur système, leurs lois, leurs principes, leurs croyances. Hein? Et ça, c'est pas permis pour le musulman. D'accord? Donc, le musulman, il doit toujours. Hein? Le musulman, il doit toujours rester sincère et fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance, peu importe où il est. Et yani, le fait d'être dans un pays occidental ou d'être en Europe ou en Amérique, ça ne justifie pas qu'un musulman accepte des lois qui soient contraires à l'islam ou qu'il rejette des principes qui font partie de l'islam pour faire plaisir aux kuffars. Ça, c'est extrêmement important. Et si ces koufars ils prétendent que les hommes ont la liberté de croire, alors ils devraient laisser aux musulmans le droit de croire en leur religion telle qu'elle est, et non pas telle que eux veulent qu'elle soit. Parce que ça, c'est extrêmement fondamental pour les musulmans. Hein, ça fait partie de la compréhension du fondement même de l'islam qui est le témoignage de la ilaha illallah. Donc ça, c'est hein, la base de la religion. Ensuite, le cheikh il explique donc que donc s'il leur obéit dans ce qu'ils ont déclaré comme étant haram ou halal, dans ce qui est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, ou contraire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ça veut dire qu'à ce moment-là, il les a pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et l'explication qu'on a mentionnée donc du hadith de Adi ibn Hatim, ça clarifie ça clairement. Et donc, il dit, le cheikh Al-Fawzan, que même si les gens ils ne vont pas s'incliner devant quelqu'un, ou qu'ils ne vont pas se prosterner devant eux, ou leur faire des sacrifices, ou leur faire des vœux et des choses comme ça, eh bien, ça reste tout de même que si il obéit à ces personnes-là, hein, qui sont des créatures comme lui, dans la désobéissance du Créateur, et en rendant halal ce qui est haram, ou en rendant haram ce qui est halal, sans preuve et sans référence à la révélation, alors ça veut dire qu'il les a adorés. Ça veut dire qu'il les a adorés en dehors d'Allah. Sauf que, il y a une petite nuance ici qui est importante à comprendre, c'est que si la personne qui les a suivis, elle les a suivis volontairement et sciemment, c'est-à-dire avec connaissance, hein, dans le sens qu'elle savait que ce qu'il disait était contraire à la religion d'Allah, alors dans ce cas-là, cette personne est un mushrik et son shirk est un shirk majeur qui fait sortir de la religion. Tandis que si la personne, elle les a suivis, sans savoir, hein, sans savoir que ce qu'il faisait ou ce qu'il disait était contraire à la religion d'Allah. Alors dans ce cas-là, on va dire que leur shirk est un shirk mineur et que ils sont excusés, hein, du fait qu'ils étaient ignorants. Bien entendu, la personne qui est ignorante, elle doit apprendre. C'est une obligation pour elle d'apprendre. Elle ne peut pas rester sur son ignorance et continuer à prétendre qu'elle est ignorante par la suite. Donc ça, c'est le point hein, relié à la compréhension donc de ce verset-là. On va continuer donc l'explication du cheikh Abdurrahman ibn Hassan lorsqu'il dit que al-ahbar humul ulama, c'est-à-dire al-ahbar, c'est hein, le pluriel du mot hibr ou habr. Et ça désigne les savants parmi les juifs. C'est ceux qu'on désigne par le terme rabbin en français. Wa ar-ruhban, ça c'est chez les chrétiens, on retrouve hein, les catégories de ar-ruhban et le cheikh il dit humul ubad. Donc les ar-ruhban, c'est le pluriel du mot rahib qui signifie en arabe ceux qui sont des moines. Hein, ceux qui sont des moines ou des personnes qui se consacrent à l'adoration seulement. Et donc, on a ces gens-là, surtout chez les chrétiens, tu trouves des gens comme ça qui se consacrent à la prière seulement, à l'adoration, le jeûne, la contemplation. Parfois, ils vont s'isoler dans des monastères et ils vont se consacrer à toutes sortes de différentes tâches. Donc, ces gens-là, on appelle ar-ruhban. Et souvent, c'est eux qui étaient les scribes aussi à l'époque. Et à un moment donné, même toute l'éducation était entre les mains des prêtres et des moines dans la religion chrétienne et dans la société chrétienne. Ceux qui enseignaient et qui donnaient les cours qui éduquaient hein, les gens, c'était les prêtres et les moines. Donc, ils sont aussi parmi les savants. Dans certains cas aussi, ils font partie des savants. Ce n'était pas seulement uniquement des gens qui faisaient que l'adoration ou la prière seulement. Donc, en tous les cas, yani, le verset, il est tel qu'on l'a expliqué. Et le cheikh, il dit, « وَهَذِهِ الْآيَةَ قَدْ فَصَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعَدِيِّ بِنْ حَاتِمٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ مُسْلِمًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ فَقُلْتُ لأن إنهم لم يعبدوهم قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال فحللوه فحللوا لهم الحرام بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. Donc ici le cheikh il explique que ce verset a été expliqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au compagnon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Et c'est lorsqu'il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman, après s'être converti à l'islam. Il est entré donc chez le messager d'Allah et lui a récité ce verset-là. « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » Alors, il a dit « Ô messager d'Allah, ils ne les adoraient pas. » C'est-à-dire les chrétiens, ils ne les adoraient pas. Ils n'adoraient pas les prêtres et les rabbins et les moines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, ils les adoraient. » Parce qu'ils rendent haram ce qui est halal, et ils rendent halal ce qui est haram. Et eux, ils les suivent hein, dans ça. Alors voilà comment ils les ont adorés. Voilà comment ils les ont adorés. C'est rapporté par Ahmad al-Tirmidhi et par Abd ibn Humayd ibn Abi Hatim et al-Tabarani. On a mentionné ça déjà. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الشِّرْكِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَىٰ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan ici, il dit que ça prouve que l'adoration, ça prouve que le shirk, ce n'est pas limité uniquement au fait d'adorer des idoles. Quelqu'un peut faire le shirk hein, de différentes façons. Et ce n'est pas seulement dans le fait d'adorer des idoles que quelqu'un commet le shirk ou que quelqu'un adore quelqu'un. Ou que quelqu'un adore une autre personne. Quelqu'un peut également commettre le shirk en obéissant aveuglément ou en suivant aveuglément quelqu'un dans ce qu'il déclare halal ou haram. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, le cheikh, il explique maintenant, il dit... وقال السدي et السدي c'est un des grands savants parmi les savants de tafsir et les ulama ont rapporté ces paroles dans les livres de tafsir hein, parce qu'il fait partie des grands ulama de tafsir. Donc il dit السدي استنصحوا الرجال استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَصَارَ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لَهُمْ فَصَارَ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لَهُمْ وَصَارُوا بِهِ لَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وقال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقوله والمسيح ابن مريم. Donc on va expliquer jusqu'ici, on continue la suite. Ensuite de ça, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Donc As-Suddi, il mentionne ici qu'ils ont pris donc les paroles des hommes et ils ont laissé le livre d'Allah derrière leur dos. Ça, il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas la réalité des juifs et des chrétiens dans leur religion. Sinon, il y en a qui pensent, il y en a qui pensent que les juifs et les chrétiens, la façon qu'ils suivent leur religion aujourd'hui, c'était la façon telle qu'elle est dans leur livre. Et la réalité, c'est que ces gens-là, non seulement leur livre est falsifié, mais en plus de ça, même le livre qu'ils ont et qui est falsifié, ils ne le suivent pas tel qu'il est. C'est-à-dire, ils ne suivent pas ce qui est écrit dans leur livre tel quel, mais ils le déforment et ils prennent ce qu'ils veulent et ils laissent ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, c'est comme ça qu'ils agissent avec leur livre. Et parmi les exemples de ça, on trouve que, par exemple, dans leur livre, l'exemple de, par exemple, je peux donner juste quelques exemples, mais l'exemple le plus frappant parmi ces exemples-là, l'interdiction du shirk. Ça, tout le monde le sait, c'est parmi les 10 commandements chez les juifs et les chrétiens, et c'est interdit, par exemple, d'adorer des statues, d'adorer des idoles, d'adorer des êtres humains, d'adorer des animaux, d'adorer des choses. Peu importe, hein, qu'est-ce que ça peut être, tout ça c'est de l'idolâtrie, c'est du shirk, hein, même dans la Bible. Sauf que ils ont changé la religion et ils ont dit non, c'est plus du shirk, maintenant c'est permis de le faire. Hein. Et je me rappelle lorsque je me suis converti à l'islam au tout début et que je discutais souvent avec ma mère par rapport à l'islam au début avant qu'elle se convertisse et elle avait par exemple contacté des prêtres pour me parler parce que au début donc elle me disait bon puisque tu es devenu musulman j'étais élevé dans la religion catholique chrétienne donc je dois essayer de te faire revenir donc elle voulait me faire revenir à la religion chrétienne alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle contactait des prêtres pour essayer de me parler, pour essayer de me convaincre, pour me faire revenir à la religion catholique. Alors moi, je discutais avec ces prêtres. Et parmi les choses que je leur mentionnais, par exemple, que dans les églises, il y a des images, il y a des croix, il y a des statues. Et les gens se mettent à genoux devant ça et ils prient à ces images et à ces statues-là. Et ça consiste, hein, ça représente une forme d'idolâtrie. Et quand je lui mentionnais, par exemple, que dans les 10 commandements, il y a l'interdiction de faire des images ou des représentations hein, et des choses de ce genre, et lui, il me répondit en disant, non, mais ça, c'était avant, maintenant, c'est permis. Hein. Maintenant, c'est permis, maintenant, ça, c'était avant, quand les gens étaient naïfs. Les gens étaient simples, hein, les gens étaient influençables ou ils n'étaient pas intelligents, ils n'étaient pas évolués. Maintenant, les gens sont développés, sont évolués. Les gens savent que les idoles, c'est pas vrai. Donc, c'est pas grave. Maintenant, on peut faire des statues. Hein. Donc, je lui ai dit, où est-ce que c'est écrit ça? Hein, que avant c'était interdit, maintenant que maintenant ça devient permis. Ou que les gens sont plus intelligents maintenant qu'avant. C'est quoi la preuve de ça? Hein? Et c'est clair qu'il n'y a pas de preuve. Hein? Et parmi les exemples aussi que je leur mentionnais aussi, c'est le fait qu'ils ont permis le port. Alors qu'il y a des versets clairs dans la Bible qui mentionnent que le porc est impur et que c'est un animal qui est interdit, hein, à manger. Donc, quand je leur montre le verset là-dessus, eh bien, eux, ils disaient non, mais ça, c'était interdit avant. Maintenant, c'est plus interdit maintenant. C'est permis. Et quand tu leur demandes c'est quoi la preuve, où est-ce que ça a été permis, hein, ils ne peuvent pas ramener aucune preuve là-dessus. L'exemple aussi, par exemple, par rapport à la circoncision. Dans l'Ancien Testament, on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala avait pris une allégeance avec une alliance avec Ibrahim alayhi salam, Abraham, et que par cette alliance, il s'était circoncis, hein, et que toute sa progéniture et tous les gens qui le suivent devaient le suivre dans cet exemple-là et prendre cette alliance avec Allah aussi. Donc, quand on leur pose la question, je dis, même Jésus, il a été circoncis tel que c'est mentionné dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Tous les prophètes ont été, hein, circoncis après Ibrahim. Donc, j'ai dit, comment vous venez, puis vous dites, c'est pas obligatoire de faire la circoncision, ou bien on n'est pas obligé de se circoncire, c'est pas important, ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, les chrétiens se circoncisent. Ils ne font pas la circoncision. Pourquoi? Parce que ils ont brisé cette alliance avec, hein, Allah que Allah avait pris avec Ibrahim. Donc ça, c'est un autre exemple parmi les exemples. Il y a beaucoup d'autres encore parmi les exemples qu'on retrouve chez les chrétiens. Par exemple, parfois quand c'est le carême, ils vont dire, on ne va pas manger de viande ou on ne va pas manger de poisson ou des choses comme ça. À la base, le jeûne, hein, on le connaît, le jeûne, c'est de s'abstenir de manger. Eux, quand ils font le jeûne, ils ne s'abstiennent pas de manger. Plutôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent de manger certaines sortes de nourriture. Hein. Et ils disent non, on ne va pas manger de viande, on va manger que du poisson ou des choses comme ça. Et tout ce qui a rapport avec la religion, ils l'ont déformé, ils l'ont changé. Et donc, tout ça, c'est des exemples. Et on retrouve chez les juifs aussi des exemples comme ça. Il y en a plein, hein, d'exemples de ce genre. Et quand tu vois, par exemple, le fait qu'ils ont aboli la lapidation, ils ont aboli plein d'autres peines qui sont mentionnées dans la Bible. Tout ça parce que yani, ils déforment la religion et ils changent la religion. Et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un parmi les juifs avait fait l'adultère, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de juger entre eux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, c'était quoi le jugement dans votre livre, hein, au sujet de ceux qui font l'adultère, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là? On leur met du goudron sur la tête et puis on les fait circuler dans la ville sur un âne et on les attache ensemble ou des choses comme ça. Puis il y a plein d'autres explications qu'ils ont données qui ne font aucun sens et qui sont même pas mentionnées dans leur livre. Alors, quand un des compagnons qui était présent et qui était à la base un de leurs rabbins qui s'était converti à l'islam, Abdullah ibn Salam, il leur a dit, non, ramenez la Torah, vous allez voir. Alors ils ont ramené la Torah et quand ils ont commencé à lire, hein, l'autre, il a mis son doigt sur la place où il y avait la mention de la lapidation. Alors il a lu tout ce qui est autour, il n'a pas lu la partie où c'était écrit la lapidation. Alors Abdullah ibn Salam, il a dit, enlève ton doigt, enlève ton doigt, enlève ta main. Alors il a enlevé sa main et le verset était là. Hein? L'endroit où c'était écrit, c'était là. Alors c'est un exemple comment ces gens-là, ils jouent avec la religion, ils déforment la religion pour justement suivre leur passion. Hein? Et ça, c'est comme de cette façon-là, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, ils ont fait du shirk avec eux de cette façon-là. Et ensuite, donc, le cheikh, il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la suite du verset, alors qu'il n'avait été commandé que de n'adorer une seule divinité, et rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Louange à lui ou gloire à lui, hein, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Donc, ça veut dire que ces gens-là, en leur obéissant dans ce qui est contraire à la religion, ils ont fait d'eux des idoles, ils les ont adorés en dehors d'Allah. Hein, ils leur ont offert de l'adoration en faisant ça. C'est comme si ils les avaient pris comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné justement dans le verset 80, dans Surat Al-Imran, un verset qui signifie « Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges ainsi que les prophètes comme des seigneurs. Va-t-il vous ordonner la mécréance après que vous avez eu accepté l'islam ?» C'est-à-dire après que vous étiez des après que vous eûmes accepté l'islam, c'est-à-dire après que vous ayez accepté la religion de l'islam et que vous êtes devenus des musulmans, est-ce qu'il va vous ordonner la mécréance après en faisant du shirk ou en vous ordonnant le shirk? Donc ça ne fait pas de sens. Et ça, c'est l'exemple ici encore une fois dans ce verset-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes d'Allah, ils n'ordonnent pas aux gens de faire le shirk. Ils ne vont pas ordonner aux gens de faire du shirk ou de prendre des seigneurs en dehors d'Allah. Ensuite, Cheikh Abdurrahman, donc on va lire ici, avant de lire la suite du Cheikh Abdurrahman, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan, il dit « يعني أخذوا بأقوال الرجال ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤخذ من العوائد وما عليه الآباء والأجداد وما عليه الأقدمون هذا دين المشركين الذين يعارضون الرسل بما عليه آباؤهم وأجدادهم رسول من عند الله جاء بشرع الله تعارضونه بما عليه الكفرة والمشركون والآباء والأجداد هذا معناه تمرد هذا معناه تمرد على عبادة الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل كل من أخذ باجتهاد مجتهد من الفقهاء بدون معرفة دليله لا بد أنه يعرف المسند والأشد من هذا إذا عرف أن قول هذا الفقيه مخالف لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أخذ به لأنه يوافق هواه أو يوافق رغبة الناس والعياذ بالله كما يفعل بعض المغرورين يتلمسون من الكتب أقوال الرخص وأقوال الفقهاء ولو خالفت نصوص الكتاب والسنة وهذا أمر يدخل في طاعة الأحبار والرهبان. Donc ici le cheikh il explique que quand As-Suddi il mentionne, donc ils ont pris les paroles des hommes puis ils ont jeté le livre d'Allah derrière leur dos. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire qu'ils ont pris la parole des hommes et ils ne sont pas revenus au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas pris Donc c'est ça. لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Donc il dit on ne doit pas prendre nos lois ou nos règles des coutumes ou de ce que font nos ancêtres ou nos grands-parents ou ceux qui étaient là avant nous, les anciens. Il dit ça, c'est la religion des mouchriquins en réalité. Ce sont eux qui opposent les messagers en se basant sur ce qu'ils avaient reçus de leur père ou de leurs ancêtres. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu de la part d'Allah, avec la révélation que Allah lui a donnée. Et vous y objectez, en vous basant sur ce que les kuffars et les mushrikines ont jugé, et en vous basant sur vos pères et vos ancêtres. Il dit ça, en fait, c'est le fait de se rebeller contre l'adoration d'Allah. Et donc, ça comprend, yani, toute personne qui a pris, par exemple, une position parmi les positions des fuqaha, qui s'est basée sur un ijtihad, sans connaître la preuve sur quoi ce savant s'est basé. Donc, il faut absolument savoir à quoi cette position se réfère. Et il dit pire que ça encore, c'est lorsque quelqu'un, il connaît la position d'un savant et il sait que la position de ce savant contredit le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais il la prend malgré tout. Hein? Il la prend malgré tout parce qu'elle est en accord avec sa passion. Et elle est en accord avec ce que les gens aiment. Wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est encore plus grave. Et on voit qu'il y a des gens qui sont, hein, qui sont égarés, qui adoptent ce comportement et cette attitude-là. Donc, ils recherchent dans les livres les différentes paroles des savants qui permettent de faire des choses et les positions des ulama qui donnent des permissions de faire certaines choses, même si c'est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une chose qui rentre dans le fait d'obéir aux rabbins et aux moines. Hein? Donc, même si quelqu'un, par exemple, il est pas juif ni chrétien, même s'il est musulman et qu'il se dit musulman, puis que après, par la suite, il suit la parole des ulama ou des shuyukh, même dans ce qui contredit le Coran et la Sunna, et il dit: Oh, mais moi je suis de tel madhab, hein, ou moi je suis de telle école, hein, ça là c'est des prétextes. On n'a pas le droit de contredire le Coran et la Sunna sous prétexte de suivre un cheikh ou un imam ou un savant ou un madhab ou une école, hein. Ça là c'est ça correspond à prendre ces gens-là comme des seigneurs en dehors d'Allah, hein. C'est très très grave. Et le cheikh il dit ensuite: wa qawluhu wal masih ibn maryam ay ittakhadhuhu rabban bi'ibadatihim lahu min dunillah wa qad qala Allah ta'ala وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد وبنيت على هذه القبور المساجد نسأل الله العافية وبنيت لها المشاهد فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ونشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. Donc on va expliquer cette partie-là. Le Cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 31 dans sourate At-Tawbah, à la suite du verset wal masih ibn maryam ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam, c'est-à-dire qu'ils ont pris également comme seigneur en dehors d'Allah le messie Jésus fils de Marie parce qu'ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Donc ils ont fait de lui un seigneur et un dieu en dehors d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 116 dans sourate Al-Ma'ida, ce qui signifie, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi ainsi que ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Il dit, pureté à toi, que tu sois glorifié et purifié. Donc, c'est-à-dire, il se désavoue d'avoir ordonné aux gens de l'adorer, ainsi que sa mère. Parce que Jésus, alayhi salam, que Allah lui fasse sa miséricorde et sa bénédiction, donc Jésus n'a jamais dit aux gens, adorez-moi, je suis Dieu ou je suis fils de Dieu, ou je mérite d'être adoré ou des choses de ce genre, ainsi que ma mère. Jamais. C'est eux qui ont inventé ça. Donc ils ont fait de l'idolâtrie en adorant Jésus et en le prenant comme un Dieu en dehors d'Allah. Donc ici, on voit clairement que Jésus dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il s'est désavoué de cette prétention-là. Et dans l'autre verset, qui est le verset 117, dans Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les paroles de Jésus. Lorsqu'il dit à la suite, donc il dit, « Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire, c'est-à-dire adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. » Et j'étais témoin sur eux tant que j'étais parmi eux. Puis, lorsque tu m'as fait monter vers toi, c'est toi qui es resté comme surveillant sur eux. Et c'est toi qui es témoin de toutes choses. Donc, quiconque médite clairement sur la signification de ce verset, le verset 31, dans Surat Tawbah, il va comprendre la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et il va comprendre également le tawhid que la plupart des gens qui prétendent à la science à notre époque et dans les siècles qui ont les derniers siècles, il va comprendre que la plupart des gens qui prétendent la science à notre siècle et dans les siècles qui ont les derniers siècles de la Ummah, eh bien, ils ont nié ce tawhid-là, ou ils ont rejeté ce tawhid qui a été enseigné par les messagers et les prophètes d'Allah. Et donc, c'est devenu une ignorance qui est généralisée après les trois meilleures générations. Et lorsque l'exagération et l'extrémisme s'est répandu parmi les musulmans, à propos des tombes, et que les gens ont commencé à construire des mosquées sur les tombes des hommes pieux, et qu'ils ont construit des mausolées par-dessus, et que les gens ont commencé à se laisser aller dans ces choses-là, la fitna est devenue de plus en plus grave à propos du shirk et dans l'opposition du tawhid, et on a vu les gens exagérer dans l'adoration des morts et dans la vénération des morts. Et Annie, c'est des choses donc dans lesquelles la grande majorité des gens sont tombés. Et le mal est devenu bien, le bien est devenu mal, la bid'a est devenue une sunna et la sunna est devenue une bid'a, et les petits sont grandis là-dessus et les vieux sont morts là-dessus. Donc ça veut dire que yani, les gens ont commencé à s'éloigner de la réalité de l'islam petit à petit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé hein, cette chose-là, lorsqu'il a dit que l'islam a débuté de façon étrange et elle va redevenir étrange comme elle a débuté. Alors, il a décrit qui sont les étrangers, hein, parce qu'il a dit que la bonne nouvelle soit donnée aux étrangers. Et il a dit, ce sont ceux qui réforment. Ce sont ceux qui restent bons lorsque les gens sont corrompus. Et dans une autre narration, il dit, ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu. Donc ça, c'est les deux significations. Ceux qui restent bons lorsque les gens deviennent corrompus et ceux qui réforment les choses lorsque les gens ont corrompu les choses. Donc ça, c'est l'explication de ce hadith. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.